À l'occasion du 25e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, le président national du Parti progressiste du peuple du Nigeria, Damien Ogbonna, co-président du comité préparatoire international pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes d'Action 2017, a publié un entretien qui indique les exploits de son excellence Kim Jong-il, qui a rejeté les agressions, diktats et arbitraires des impérialistes par sa politique de Sun Gun originale pour défendre la paix et la sécurité, seront transmis à jamais dans l'histoire.